partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Dossé. En direct pendant une heure complète. Planet Rap Dossé, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue. Le Planet Rap avec Dossé, c'est ce soir, comme chaque soir de la semaine. Comment ça va, Dossé? Ça va très bien, et toi? Ça va en pleine forme, le projet toujours dans les bacs. Toujours dans les bacs, toujours à la Fnac. Avec les cuissons, toujours. Ça s'appelle Perestroika. En effet, ceux qui vont le prendre en téléchargement légal, c'est pas possible parce qu'il y a pas encore, ça n'a pas encore été inventé, en fait. Ouais, voilà. Où tu peux recevoir les cuissons. Digital, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas. Mais par contre, si vous achetez en support physique, en CD, il y a un écusson, les cuissons Perestroika Gang. Qui peuvent broder ou coup de fer à repasser, ça se fixe sur la sap, tu vois. Et bah très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher, c'est dans les bacs depuis lundi. On le découvre cette semaine entre 20 et 21. On va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. Juste avant, je voulais avoir une pensée forte pour la Tunisie. Et ce qui s'est passé là il y a quelques heures là-bas, évidemment, pour toutes les victimes, les familles des victimes. On pense à toutes les victimes. Voilà, qu'elles soient tunisiennes ou pas d'ailleurs, mais on pense fort à vous. On a malheureusement connu aussi un petit peu ça là, en ce début de mois de janvier. L'histoire continue malheureusement, avec toujours des actes aussi odieux et lâches. Donc voilà, une grosse pensée pour la Tunisie et tout le peuple tunisien, ainsi que les familles des victimes, qu'ils soient tunisiens ou pas. On écoute ce qui s'est passé hier soir, Dossé ? Allez, problème. C'est parti, le replay. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Planet Rap consacré à Dossé qui vient pile poil d'arriver. Comment on va ? Ça va ? L'homme qui tombe à pic. Ça va, tout se passe bien pour toi, tu es content ? Ouais, ça va. Un petit mot quand même sur le nom Perestroika. Pourquoi tu l'as appelé Perestroika ? Parce que Orléans n'est pas près de Moscou. Hein, pour ceux qui savent pas, ça signifie reconstruction en russe. Mmh. Et c'est un petit parallèle que je voulais faire par rapport à ma carrière. Et voilà, qui je l'estime est en reconstruction, entre guillemets. Ah ouais, reconstruction carrément. Ouais, reconstruction, tu vois. C'est pas une évolution, après, tu connais, c'est un terme fort pour un projet fort. Mmh. Donc voilà. Planet Rap. Bendo, c'est. En fait, chez les Quinry, Bendo, c'est une maison abandonnée où ils vendent de la drogue, tu vois. Donc après, t'as vu, transposé en France, on dira c'est les quartiers, en vrai. C'est les quartiers, ouais. Tu vois, c'est le terrain, on va dire. C'est le terrain. Bendo. Et bah, Bendo, avec nous, des gens de terrain aussi ce soir, j'ai l'impression. Oui, oui. Dossé autour de toi. C'est ça. Alors que Core fait son entrée après avoir balancé le son. DJ Core. Le son signé DJ Core. L'homme par qui vient le scandale. Quelle vision t'as justement de Dossé? J'ai la vision d'un MC qui découpe, tu vois. Lui qui dit qu'il est en reconstruction là avec son album Perestroïque. Hein. Ouais, mais ça c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu une génération, si tu veux, un peu intermédiaire, tu vois, qui ont eu un gros buzz et tout le monde n'a pas transformé l'essai. Mmh. Et aujourd'hui c'est une reconstruction, mais je crois que la reconstruction c'est pour tout le monde à un moment donné, tu vois. Tu te remets en question, tu revois un peu ton délire, ton univers, et après t'avances. Non, non, c'est ça. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Orlins, roule avec les mecs d'Orlins. Orlins, roule avec les mecs d'Orlins. Héros, marron, chocra, blanche. Héros, marron, chocra, blanche. Vie comme des mecs d'Orlins. Crève comme des mecs d'Orlins. Orlins, roule avec les mecs d'Orlins. Orlins. Roule avec les mecs d'Orlins. Héros, marron, chocra, blanche. Héros, marron, chocra, blanche. Boyoka. Vie comme des mecs d'Orlins. Crête comme des mecs d'Orlins. Ma gueule. Perestroïka. Perestroïka. Perestroïka. Perestroïka. Perestroïka. Perestroïka. Perestroïka. Perestroïka. Perestroïka. Perestroïka. Le nouveau rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Planet Rap avec le replay d'hier soir, et en effet toute l'équipe d'Orléans qu'on salue, qui est passée hier soir. McCoy, Peperos, big up à eux, Orléans, Argonne, Salmon, La Source. En freestyle avec toi, il y avait Bassirou aussi qui était là. Ouais, il y avait Bassirou qui était là, et il y avait aussi Rock Blood, mais ils repasseront vendredi me faire un petit coucou. Ils repasseront dans la semaine entre 20 et 21. On n'a pas pu se caler bien comme il y avait du monde. Ah, il y avait du monde, il y avait un gros freestyle. Les images d'ailleurs sont toujours disponibles, hein, allez voir et allez faire un tour sur le Skyrock FM, sur le planetrap.skyrock.com pour retrouver ce freestyle plus le morceau en live, hein, Orlins. Que vous avez fait hier soir. Voilà, c'est avec ça. Avec Peperos et McCoy. Yes. On débute avec Bendo. Comme d'hab. Hein. Un son signé Core, c'est sur le projet Perestroïka de Dossé. fait deux ans blue, paire de Dita sur le pif. Troisième doigt levé juste pour le kiff. Tous les jours mes frères sont dans le bendo. C'est un pour la monnaie, deux pour le bif. Je crois bien qu'il est temps que je change de tepu. Mon bigo commence à me faire des faces chelou. Je crois bien qu'il est temps que je change de tepu. Elle m'a pris pour son raclo, ça devient grave relou. On arrache pas de vieille, pas de ça chez nous. Charbonne tout l'hiver pour faire l'été à Cap Salou. Toutes sortes de dope, coke, weed, hash, caillou. Toutes sortes de bolos, bob, taureau, noir, robe, pas de jaloux. Je pense cesse, extra quand j'ai pas d'oseille. Je mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut du PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Ben. T'es mal, cabré, Kaira laisse ta calme. Air Max, craqué, sur bête, poche, c'est le style toute la night. Et j'fais l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bando, bénéfice planqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Les incoum, téléphone du car plat. Déjà 4 piges qui n'étourent. Soir c'est tous mes you voient sont de sortie. Bouteille à la bleu taga même si personne tisse. Grégus, belvé, tombé, insolent effronté. Même ta belle est domptée. On veut pas finir en chien comme tous ces graves en schlagué. Rien que les feux que prennent en photo, ils sont graves aux aguets. Mais nique sa mère, on tape la démarche, on est salement swagué. Plaqué DG, Givenchy, et Balenciagué. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es Max cabré. Kaira lève ta calme. Air Max, craqué. Sur bête poche, c'est le strike toute la night. Et j'ai l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Dans le bendo. Crois pas qu'on joue. Dans le bendo. Si je traîne toute la night. Et j'ai l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Donc c'est la famille. Joue DJ Core. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Il y en aura pour tout le monde. Pérez Boeka. L'album c'est Perestroika, pardon, la mixtape. La mixtape. La mixtape, mixtape. La ouais. Mixtape. C'est vrai que l'album arrivera plus tard. Exactement. En fin d'année, Yuri. Fin d'année. Et ouais, c'est le nom déjà t'as balancé. Hein. Ouais. Mais pour l'instant c'est Perestroika, la mixtape. Ouais. C'est dans les bacs. C'est dans les bacs. Donc, allez le chercher. Depuis lundi. Et ouais, depuis lundi. Ouais. Et c'est à découvrir aussi cette semaine entre 20 et 21. Il y a peut-être un invité ce soir qui va passer, c'est ça? Ouais. Si j'ai bien compris, Dossé. Normalement. Quelqu'un qui est donc présent sur le projet? Exactement. On dit pas tout de suite. Comme tu veux en fait. Bah c'est toi hein. Non si bah écoute normalement il y a Caris qui est censé arriver là. Donc incessamment sous peu. Donc Caris d'ici quelques minutes. Caris lui aussi hein, qui prépare son album que tu as dû écouter peut-être. Le bruit de mon âme. Non même pas. Moi j'ai même juste, pas juste entendu les morceaux qui sont sortis. Dont le dernier featuring Future là. Qui est très très chaveau. Ah il est très très fort le morceau. Ouais, il est très chaveau. Le morceau Future. Future avec, il a respecté le bail. Avec Caris. On pourra peut-être d'ailleurs le passer ce soir aussi entre 20 et 21 d'ici quelques minutes sur Skyrock. Là on va mettre un morceau qui est présent sur Perestroika. Ouais. Morceau qui s'appelle Bouteille et Glock. Bouteille et Glock featuring Caris justement. Donc là la rencontre avec Caris c'est quelqu'un que tu connais aussi depuis un petit moment. Ouais, on se connaît depuis quelques temps, puisqu'on avait déjà collaboré à l'époque sur un de mes anciens projets, tu vois, mais c'était plus petit. Et donc on s'est dit que ce serait bien justement qu'une fois que c'est un peu plus gros de recollaborer, t'as vu que ça pourrait donner un bon truc. Cette fois-ci on a clippé, donc voilà. Hein, tous les deux vous êtes collègues aussi chez Def Jam maintenant. Ouais, en plus, ouais. Bureau d'à côté. Si on veut. Donc le morceau s'appelle Bouteille et Glock. Prod de thérapie. Et ouais, donc voilà, et clip de Nicolas Noël qui est visible sur ma chaîne YouTube Dossé Vevo, Bouteille et Glock, Dossé et Caris. Back to the future. Levez les bouteilles et les Glock. Levez les bouteilles et les Glock. Levez les bouteilles et les Glock. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les Glock. J'suis dans le carré, je les fuck. Yuri! Levez les bouteilles et les Glock. Levez les bouteilles et les Glock. Levez les bouteilles et les Glock. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les J'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck. J'veux enculer le monde. Lui, mettre sa force. Les voisins se plaignent du bruit. Oui, et alors. Et alors. Oui, oui, et alors. Les voisins se plaignent du bruit. Oui, et alors. Si la beauté devait se définir avec un seul geste, ce serait conditionné de la cesse ou bien signer un gros chèque. Je me méfie des rappeurs, ces fils de Chola Jax. Chola Jax. Je me méfie des groupies qui ont le trou de poil plus large que la chatte. Bizarre, très sévère, ciel. Descendant, je prête à jaillir par milliards. Comme dans un crash en pleine jungle, je dépouillerai vos corps, tel un vulgaire pliard. Pas de plan A, tu me les pars de plan B. T'as les plans de la queue, bon, je suis OP d'emblée. Je parle jamais dans le dos, sauf pour dire à la mère de vos marmots de mieux se cambrer. Fais péter le double 10, enfoiré, j'ai les crabeaux. Tous les bouts le 10, je suis le plus chavot de tous, c'est les crabeaux. Sigma, tango, écho, uniforme, bravo. Je suis pas un maçon du cœur, je vous baisse, je vous laisse le cul en travaux. C'est le bruit de tes claquements de seuf qui nous fait office de caisse claire. Je suis que tu aimes détester, je suis à qui elle aime plaire. Le texte il est rital, le moteur est germanique. Faire du pif est vital, c'est des hauts de manique. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck. J'ai déjà peu frac qui dit mieux. Tire une feu, t'as fait une soufflette. Et ton ciel sera plus bleu que la techa de la Schtroumpfette. SQAD, ça te dérange? C'est moi qui fournis un chèque. Je vais te braquer, ça me démange. J'ai des fourmis dans la gâchette. Fumée d'amnésia épaisse. But, le jour de la mort de Ned Dog. But, obligé de sortir en laisse avec un 38 bulldog. Je fais des créneaux dans leur touch. Depuis l'époque des beepers, moi elle me suit dans ma broche. Toi elle te suit sur Twitter. T'as eu l'écho, je peux te chasser. Faut que tu t'éloignes, tu me négo. Le flow est tellement beau qu'il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Que les négros ne se trompent pas, ou ils vont longuement sucer. Absent lors de mes combats, je veux pas te voir lors de mes succès. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. Levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. J'suis dans le carré, je les fuck. Levez les bouteilles et les glocks. J'suis dans le carré, je les fuck. Ah, thérapie. R-S-K-2-Z-A. Jouy. Il ne s'agit que de ça. Et alors. Oui, et alors. Et Glock à l'instant avec Caris sur le projet de Dossé. C'est un gros morceau, tu l'aimes bien celui-ci aussi. Ouais, je l'aime bien. Ouais. J'ai l'impression que tu l'aimes bien. Il ambiance bien, il ambiance bien. Il défoule bien aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, t'as vu, je sais pas, il donne envie de bouger la tête en fait. C'est ça, d'ailleurs, on peut dire aussi un petit mot parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut lire autour justement de toi, de cette génération, que ce soit Gradure, Joke aussi, c'est sur les paroles, sur les textes. Mm-hmm. Toi, le rap, tu le conçois comment aussi sur les paroles? Est-ce que tu t'auto-censure entre guillemets sur certains termes? Non. Tu penses à la façon dont peut être réceptionné le morceau à l'écoute? Ouais, enfin après je pense que tu t'arranges pour en fait l'important c'est juste d'être compris, tu vois, c'est tout. Donc après moi je me censure pas, mais c'est juste que je me prends la tête sur la formulation de peut-être de certains trucs, voilà, tu sais, pour être sûr que qu'on comprenne bien ce que je veux qu'on comprenne. Non, mais c'est, je te dis ça parce que c'est vrai qu'il y a toujours une école qui dit que le rap doit être comme ça, qu'il doit apporter des textes. Non, moi pour moi le rap c'est une musique, ça veut dire que bien sûr que les textes c'est important, mais on a le droit aussi de faire des morceaux, tu sais, qui sont juste de l'enjaillement, tu vois, qui sont juste pour bouger la tête, qui peut être de l'ego trip, qui peut tout simplement être du divertissement aussi pur. Ouais, c'est ça. Et moi je pense qu'en fait il faut allier les deux, il faut savoir allier les deux. Moi pour moi un vrai MC il doit être capable de faire les deux. Pour ce moi que tu fais, ce que tu as fait aussi, moi en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, tu vois, et c'est comme ça que je me revendique. Donc voilà, et je pense que c'est comme ça que ça devrait être en vrai, tu vois. Normalement, t'es capable de d'aller sur plusieurs terrains, faire danser les gens et les faire penser. Voilà. Et puis c'est vrai qu'aussi souvent on a cette remarque pour les gens qui rappent en français, mais quand t'écoutes ce qui vient des États-Unis et parfois sur certains sur certains morceaux, attends frère, si tu devais traduire tous les titres, tu vois, il y aurait des sacrées surprises. Il y aurait des sacrées surprises de fou. Donc non, franchement, on est bien lotis. On n'a pas à se plaindre en France. Non, mais je dis ça parce que voilà, c'est vrai qu'il y a toujours ce débat. Est-ce que la musique influe, machin, etc. Et c'est pour ça que je te demandais si toi tu t'auto-censurais, s'il y a des choses que t'as pas envie de dire. Non, moi franchement, je m'auto-censure pas. Tu vois, les trucs que je dis pas, c'est juste que j'ai pas envie de les dire parce que ça m'a pas inspiré une chanson, toi, tout simplement. Voilà, lorsque j'ai envie de parler d'un sujet, je l'aborde, y a pas de problème. Je m'auto-censure pas. Et puis sur les autres morceaux, faut aussi rappeler que c'est voilà de l'ego trip, parfois du divertissement aussi. Ouais, et qu'il y a des trucs à prendre au second degré. Et que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Voilà, tu sais, c'est en fait, faut vraiment que les gens ils arrivent à, moi c'est ce que j'essaie de d'inculquer, si je puis dire, à mon public, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à capter la part de second degré qu'il y a dans tel ou tel son, tu vois. Je pense que quand tu écoutes un morceau comme Bouteille et Glock ou comme Le Coup du Patron par exemple avec Jockey Gradure, tu sais pourquoi tu l'écoutes. Tu sais, tu l'écoutes, voilà, parce que pour bouger la tête, pour danser, truc, tu vois. Quand tu vas écouter un morceau type, je sais pas, type Scarla qu'on a passé hier, ou comme L'Âge de nos Actes, bah voilà, tu sais que c'est un morceau et un message précis que le mec il a voulu véhiculer. Donc tu tends l'oreille, mais d'une autre manière, c'est tout. Il faut juste savoir pourquoi t'écoutes les trucs. C'est marrant parce qu'on a rarement ce débat autour des films qui sortent. C'était parfois des films qui peuvent parfois même dans l'ultra-violence. Ouais, voilà, tu vois. Et personne dit jamais que oui, le. Enfin, personne accuse le producteur ou le réalisateur d'avoir voulu faire je sais pas quoi. Non, t'as vu, le mec il pratique son art, il fait son entertainment et puis c'est tout, tu vois. Et puis après, c'est vrai qu'il faut aussi rappeler qu'il y a une part qui est importante, je pense, c'est l'éducation de chacun. C'est clair. Que c'est évidemment, si tu passes ta journée à écouter que des morceaux violents, à regarder que des trucs violents et jouer sur ta PS4, qu'il y a des jeux violents, et que si en plus dans ta famille ça va pas bien, si t'as pas une accroche forte. Voilà, c'est ça, tu vois, si la base elle est déjà un peu bancale. Ouais. C'est vrai que là ça peut aboutir à des situations bizarres, mais sinon sans ça normalement il y a pas de problème, tu vois. T'as vu, même moi j'ai grandi en écoutant des morceaux violents, j'ai grandi en regardant des films violents, c'est pas pour autant que tu vois que je suis devenu un psychopathe. Bah heureusement, en même temps, je veux dire, parce que ça fait quand même beaucoup de psychopathes. C'est clair. Et ça, c'est quand même une chose importante. Et puis qu'il faut aussi rappeler que parfois, voilà, oui, il y a des morceaux, bien sûr, qu'il y a du rap conscient qui existe. Tu l'as fait, hein. Tu en feras peut-être aussi dans. Et tu vois, même le terme conscient, je l'aime pas en vrai. Moi aussi, j'aime pas ce terme. Parce que moi, je suis conscient quand je fais un gros ego trip, je suis conscient de ce que je fais. Donc, non, t'as vu, c'est juste. Rap plus profond. Rap plus de texte, plus. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Appelons ça comme on veut en vrai. Et puis, il y a un moment pour savoir se défouler aussi. C'est ça. Et ça fait du bien. Il faut. Quand on écoute Dossé, par exemple, important. Sa Perestroïka, ça c'est quoi? C'est voilà un moment de détente, quoi. Un moment. Ouais, voilà, c'est un moment. C'est t'écoutes de la musique. Donc t'es là pour kiffer la musique. Après, que ce soit sur des morceaux plus boom boom ou que ce soit sur des morceaux plus posés, tu vois. C'est tout. C'est de la musique, frère. Il y a Caris qui va débarquer dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau aussi Dossé dans quelques minutes? Moi, j'ai bien envie qu'on mette L'Âge de nos Actes. L'Âge de nos Actes. Ah ben, ok. En parlant de ça. En parlant de ça, donc voilà. Ce sera une autre facette de Dossé aussi. Voilà. À écouter dans quelques minutes. Juste avant, je vous l'avais promis aussi, on va balancer. Tiens, et comme tu l'aimes bien ce morceau, le Caris avec Futur, le titre Cristal qui figurera sur l'album qui sort le 30 mars de Caris. L'émission rap de référence. Planet Rap. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Let's go. Ce soir, Planet Rap Dossé. Back to the future. To the future. Yeah. Yeah. Yeah. 9-3. Future Hendrix, Fire Marshal, Future the Wizard. You know what I'm saying? LBG, we global. RGT. Oh. I won't touch these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter, I serve a whole bell. But the fuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. Nigga shootin' at police. J'me devais de l'école à chenille coffée. J'me balade au cimetière avec mes trophées. Je fume un joint de bœuf pour me doper. La guerre, on va la faire, y'a R, je suis OP. J'leur pisse dessus comme sur une aire de repos. Les couilles se voient même de dos. Balayette entrée, tu pas ton topo. Ici, tous les coups sont vrais, t'es pas heureuse, beau. Ceux qui te touchent ne m'effleurent pas. Je rentre dans le carré comme Bobby Shmurda. AK chargé et tu smurfras. Cristal que crache, mélange dans la cuisine. Deux enfants ton legging sur le siège chauffant, ce n'est pas un leasing. Mon gang est sur le listing. Tu m'attaques, il paraît. Rafale et ta chatte disparaît. J'augmente la dose dans le trafic. Et la criminalité sur le graphique. Même dans la saleté, faut que je m'applique. Je fais des hat-tricks, je viens d'Afrique. Je prends le pouvoir comme Napoléon. Roi soleil éclairé par les rayons. T'es ébloui par mes clénons. La gifle te donne le sourire. I want to deep bitch. Deep bitch gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches. These bitches gon' tell. There you go. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. What the fuck these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. What the fuck these police nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Won't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Miley, got white, got the lean, got the kush, got the purple and the kill. My young nigga. J'suis dans le bunker comme Oussama. Psycho gun, rayon gamma. Tout droit, direct, comme Otama. En même temps que ma Jordan annonce Bougama. Depuis vendeur de nana. Organisé comme le Fatah. J'défouraille tous ces bâtards. Je les mange en steak tartare. Tu veux rapper comme moi, t'es cloné. J'fais du liquide, de la monnaie. J'passe devant toi, t'es sonné. Tout se passe sous ton gros nez. J'suis pépère, BTTF Zanotti. Arme de guerre, j'possède toute la panoplie. I ain't gon' trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no shit, run none of these bitches gon' tell. There you go. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Won't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. These bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Miley, got white, got the lean, got the kush, got the purple, the pills. My young nigga. Therapy. Caris avec Futur à l'instant Cristal, ce sera sur l'album qui sort le 30 mars, l'album de Caris, et Caris qui sera présent aussi et qui est présent sur ton projet Perestroïka. Yes. Et il sera présent d'ici quelques minutes dans le studio de Planète Rap entre 20 et 21. On va revenir dosser donc avec un morceau qui s'appelle L'âge de nos actes. Ouais, L'âge de nos actes, ouais. Donc c'est sur une prod de Red Room Music. Et bah justement, tu vois, pour parce qu'il y a toute une partie du public qui me connaît depuis peu de temps en vrai, tu vois, qui m'a peut-être découvert même sur le coup du patron et tout, et qui connaissent peut-être pas cette facette de Dossé. Donc voilà, pour eux, bah voilà, découvrez. Et puis les autres qui me connaissent, bah ils connaissent, hein, t'as vu ça. Et celui-ci, il est né comment il devait être sur l'album, ou tu l'as détaillé, le mettre sur le projet comme ça? Non, c'est tous les morceaux qui sont là. En fait, il y a pas de chute d'album ou tout machin, t'as vu, c'est que des morceaux qui ont été faits pour ça. L'album, c'est l'album. Ce sera plus tard, voilà, c'est tout. L'âge de nos actes à écouter dans un instant. Vous aussi en freestyle, venez rapper 41 759. On revient après ça. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Planet Rap avec Dossé sur Skyrock. Passez une bonne soirée. Le Planet Rap avec Dossé, l'album, le projet, pardon. Il y arrivait quand même à la fin de semaine. La mixtape. Ouais, Perestroïka à découvrir cette semaine entre 20 et 21. C'est sorti lundi. Et il vient d'arriver dans le studio de Planet Rap. Celui qui est présent aussi sur Perestroïka, Monsieur Caris, comment va? Très très bien. En forme? Ouais, en forme. Ah, tu m'as l'air en grande forme là. Ouais, j'ai la pêche de ouf. À quelques jours de la sortie aussi du Bruit de mon âme, hein, qui arrive. Ouais, mais là c'est Dossé là. Bon, là c'est Dossé. Il faut y aller à fond. Si, c'est du très très lourd. C'est le morceau, on a passé le morceau, vous ferez peut-être en live tout à l'heure, le Bouteille et Glock, ou on le repassera, on verra. Avec plaisir, direct. On verra tout à l'heure. Et non, mais je voulais juste quand même dire un mot sur ton album qui arrive. C'est quand même attendu ce mois de mars. Le 30 mars. Et non, mais tu m'as l'air content en plus, bien sur ce deuxième album là. Je suis content. C'est vraiment en grande forme. Tout se passe comme prévu, je suis content. Donc l'album il arrive, il y a déjà des extraits qui ont été balancés. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et puis il y a le morceau aussi. Voilà quoi. Que nous on joue sur Skyrock, il y a deux morceaux, il y a le Cristal, il y a le morceau Le Bruit de mon âme aussi. Et puis d'autres qui arriveront et qui seront à découvrir. On découvrira avec toi pendant le Planet Rap, tout ça. Et puis pendant des freestyles, des vidéos qu'on va balancer, tranquille quoi. Donc t'as écouté, non? Tu me disais tout à l'heure, non, t'as pas écouté toi? Non, bah non, moi je connais que les extraits qui sont sortis, tu vois. Non, il était interdit d'écoute lui. Ah ouais, c'est un mec. Non, il a écouté que les extraits, tu vois. Après le reste, c'est pour la presse, tu vois ce que je veux dire. Ouais, normal. Bon bah ça arrivera le 30 mars, faut patienter encore quelques jours. Il est en précommande aussi, hein. Patientez, il est en précommande. Ton album, on peut y aller. Allez prendre suite Dossé, c'est du lourd ça. Perestroïka. Perestroïka. Lui il nous dit que c'est pas un album, Perestroïka. Ouais, c'est une mixtape. C'est une mixtape qui est meilleure que certains albums. Donc tu vois ce que je veux dire. C'est pas moi qui l'ai dit, frère. Hein. C'est Caris qui l'a dit. Ouais, comme ça, mon frère. Bon, on bosse. On fera live de Bouteille et Glock dans un instant. Et puis juste avant que t'arrives, on avait promis aussi un morceau, c'est L'âge de nos actes. L'âge de nos actes, Allez, on le balance tout de suite et puis on vous attend freestyle par téléphone. Yeux, les nuits. j'rappe la paix, j'rappe la guerre, j'rappe l'eau, l'air, le feu et la terre. Plus j't'écoute, tes bites et ta merde. Plus ça me dégoûte, plus j'ai la gerbe. Négro, j'ai plus l'âge de traîner dans le hall, d'arpenter les murs du quartier. Pour un outrage, je me prends 6 mois de tôle. Suite à un vulgaire contrôle de papier, j'ai l'âge de dépenser les lions mis. J'suis censé avoir amassé, j'ai plus l'âge que les putes me trouvent lions mis. J'ai l'âge d'épouser la fille de mon banquier. J'ai plus l'âge de te voir des sous. Hugo, j'ai l'âge qu'on m'en doive. Me pousse pas à faire des queues, trucs de fou. Pour prouver que je suis un brave, j'ai plus l'âge de rouler en transport. J'ai l'âge de rouler en cheval. J'ai plus l'âge de briser tes cœurs. Mais y'a pas d'âge pour être un porc. Bitch, sache que même les hommes pleurent. Toutes les larmes de leur corps, c'est pas qu'ils sont faibles, non. Mais justement, ça fait un bout de temps qu'ils sont forts. J'ai plus l'âge d'avoir la rage. J'ai l'âge de m'être résigné. Ego, je n'ai plus l'âge de ne pas vivre du rap. J'suis en âge d'être signé. Pas besoin de tes discours. Pas besoin de tes promesses. Laisse-moi rapper mes conneries et faire de ma life un fond de commerce. Yeah, j'crois que j'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge. Faut que j'prenne le large. J'm'éloigne de ce fils de lâche. Car j'suis bien trop vieux pour ces conneries. Bien trop vieux pour ces conneries. J'suis à deux doigts de leur faire une dinguerie. Deux doigts de leur faire une dinguerie. J'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge. Faut que j'prenne le large. J'm'éloigne de ces fils de lâche. Car j'suis bien trop vieux pour ces conneries. Bien trop vieux pour ces conneries. J'suis à deux doigts de leur faire une dinguerie. Deux doigts de leur faire une dinguerie. J'ai plus l'âge de la faire avorter. J'suis en âge d'assumer. Si l'arme est à ma portée, j'crame de voir t'allumer. Ego, j'ai plus l'âge de me chiffonner. Surtout sans pif à la clé. J'ai plus l'âge de vivre comme un paumé. Comme un négro ancien ou vécu bâclé. Maman, j'l'aime d'un amour fou. Mais j'ai plus l'âge de juste lui dire. Négro, j'suis en âge de lui prouver. Grosse vie là sur terre, dit-il. J'ai plus l'âge de détailler. Tous ma pesette sur l'étagère. Même le plus que j'la de mes yankees me dirait que j'exagère. J'ai plus l'âge de tomber amoureux. Car tout ce qui tombe se brise, le succès sera savoureux. Car dur fut l'entreprise. Si je devais choisir entre la paix dans le monde et le bif à Steve Jobs, la montre sur mon poignet ferait le même prix que la Maybach Carrie Cross. J'ai plus l'âge de mentir, non, j'ai plus l'âge de grandir. Le remords et le regret sont des sentiments que j'ai plus l'âge de ressentir. Pas besoin de tes discours, pas besoin de tes promesses. Laisse-moi rappeler mes conneries et faire de ma life un fond de commerce. J'crois que j'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge. Faut que j'prenne le large. J'm'éloigne de ces fils de lâche. Car j'suis bien trop vieux pour ces conneries. Bien trop vieux pour ces conneries. J'suis à deux doigts de leur faire une dinguerie. Perestroïka dans les bacs depuis lundi. Faire une dinguerie. J'ai plus l'âge. Édition limitée à 5000 exemplaires. Dépêchez-vous. J'prenne le large. J'm'éloigne de ces fils de lâche. J'suis à deux doigts de leur faire une dinguerie. Deux doigts de leur faire une dinguerie. J'crois que j'suis bien trop vieux pour ces conneries. Bien trop vieux pour ces conneries. C'est plus que ça, c'est comme si, ça me fait chier de dire ça. T'es trop vieux pour ces conneries. Ouais. L'âge de nos actes, c'est sur le projet de Dossé qui est dans les bacs depuis lundi. Ouais, depuis lundi, hein, donc dépêchez-vous de vous ruer dans toutes les FNAC de France ou les Leclerc Cultura, je sais pas quoi, tout ça là. Eh, t'as raison le précédent. Euromarché que... Ah ouais, Euromarché, putain, c'est il y a longtemps. Lidl, Aldi. S'il y a un mec qui trouve encore un Euromarché, il est fort. Hein. Un Félix Potin, tout ça. Allez-y, allez faire un tour. Non, il y a que 5000 exemplaires, hein, c'est ouais, vrai. Ouais, il faut ouais, rappeler voilà, pour c'est une édition limitée à 5000 exemplaires. Voilà, donc il n'y en aura pas d'autres. Avec, en tout cas, en support physique. Hein. Ouais, en support physique, ouais. Après, digital, c'est ad vita aeternam. Et vous pouvez aller aussi précommander, en profiter pour récupérer l'album de Caris qui est là avec nous ce soir entre 20 et 21. Yes. On le prend. Morceau Bouteille Glock, c'est pas la première fois, hein. Il y avait eu un titre qui s'appelait Pirate. Pirate, hein, ouais, vous aviez fait. Ouais, c'était à 4 piges au moins. Dossé, c'est une longue histoire. C'était quoi, sur une mixtape? La connexion, ouais, c'était sur une mixtape, ouais. Bah, c'était sur une mixtape qui s'appelait Summer Crack. Et voilà, un petit truc que j'avais sorti en téléchargement gratuit et tout à l'époque. Et donc voilà, je l'avais invité. C'était bien avant toutes les grandes aventures. On avait fait le meilleur morceau de la mixtape déjà. Ouais, c'est vrai. Non, mais tout simplement. Ouais, mais c'est vrai en plus. Parce que la connexion marche toujours, tu vois. Donc voilà quoi. Vous connaissiez avant aussi, vous avez. Non, on s'est connu à ce moment-là en fait. On s'est connu plus ou moins à cette époque-là. Parce que mine de rien, vous avez dû débuter à peu près aux mêmes périodes, non? Non, parce que lui, je suis plus âgé. Ah ouais, t'es un petit peu plus vieux, c'est vrai. Je crois qu'il a commencé en 99, 2000 par là. Moi, je commence en 2004. En 2004. Tu vois. Bon, à quelques années près en tout cas. Ouais. Voilà. Vous êtes retrouvé sur le morceau Pirate et puis sur celui-ci maintenant, qui s'appelle Bouteille Glock. C'était ton objectif à l'époque. C'est ce que tu l'avais dit, genre, bah, on en refera un autre plus tard. Un morceau sur. Ouais, mais bon, c'était dit, mais bon. En fait, ouais, voilà, tu sais, c'est le truc qu'il allait se faire naturellement. C'était sûr. Tu vois. En fait, tout s'est fait pour qu'on refasse un morceau ensemble. En plus de ça, je le disais tout à l'heure, vous êtes collègue de bureau. C'est ça, collègue de bureau. C'est simple, chez Def Jam maintenant. Moi, j'ai pas de bureau chez Def Jam. Ah merde, ils t'ont pas filé un bureau encore? Mais j'ai pas besoin de bureau, frère. T'as pas négocié? Un petit endroit? Je négocie pas. T'as pas besoin? Ouais. Bon, il carisse avec nous le morceau Bouteille et Glock en live dans quelques minutes. Et par téléphone, je vous présente Yessima de Granville. Salut Yessima. Salut. Ça va Yessima? Toujours, et vous? Bah écoute, on va bien. Tu viens rapper dans l'émission? C'est ça. Hier, on est désolé. Ah, mais on devait passer hier soir, Yessima. Ouais, je suis désolé, on était un petit peu à la bourre. Et beaucoup, ouais, elle m'a expliqué, Marjo. Il y avait beaucoup de 45 hier dans le studio. Il y avait tout Orleans qui a débarqué. Bah, on t'écoute maintenant, Yessima, c'est parti. C'est l'heure du freestyle par téléphone. Yessim, 2-0-1-5, Granville, censé, check, 1-1. Le rap est gringalé, dit en ces slaps qui peuvent planter du pec. Y'a pas de gamme pain et certains veulent sauter du bec. T'es pas le prof, t'es toi, y'a plus de kiff. Les lèvres, tu m'as blessé, à ton mort les doigts, je voudrais que tu griffes les lèvres. Tu me le fais porter, j'espère pas me voir tirer mon chapeau en galère. Peu de gens ont le cœur sur la main, je crois que je tirais le nom de chaque paume. Jusqu'à y'en autre vie, on a plus de l'eau de joie. Baiser la France jusqu'à ce qu'elle saigne, on a plus d'autre choix. Bouffon carbarique, bourbon carbarique. Gros grand jeune, la mort n'épargne personne pour son gabarit. Il aurait mieux valu que je me casse Nino. Le monde est casino, autre putain, la roue tourne qu'au casino. Le temps ne sépare pas toi, hein. L'amour est une tromperie, si je me fais serrer, c'est par la douane. La douleur de voir des proches partir aux yeux, je connais. Je préfère avoir la poudre aux yeux, connais. J'existe sans vivre, et putain ça me saoule. Face à du bif, tout le monde change comme les puces d'un Samsung. Faut que ça porte des fruits, j'en mets le goût de pépins. De l'eau a coulé sous les pompes, puis j'en ai coupé plein. Les gros poissons ont qu'à lâcher mes mots, ils sont au panaché les mômes. Si tu me dévores des yeux, je vais pas mâcher mes mots. Longue histoire où les personnages chouinent. Poto, l'État nous a enculés, personne n'a joui. Le rap n'est pas mort, il est fausse massacre. Rien de féerique, ici Blanche-Neige est dans les fosses nasales. J'ai plus faim que à la cantine, je les jauge. Le rap c'est comme le shit, il me colle à la peau quand il est chaud. On se connaît d'oreille, parle bien. J'espère qu'en me faisant un nom, j'en oublierai pas le mien. Yes, à l'instant Yessima de Granville, bravo à toi Yessima. Je vous remercie, ça merci. Fait plaisir. Merci à toi. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut trouver. Ah ouais, Yessima. Bien, Yessima. Donc, il y a une chaîne YouTube, Yessima. Il y a une page Facebook. Je taffe mon album en ce moment. On sort un premier clip d'ici une semaine, à peu près, qui sera posté sur la chaîne et sur la page. Yessima, Yessima. Force à toi, force à toi. Ouais, t'es d'où, Yessima beaucoup. De Granville. Granville. C'est dans la Manche. C'est ça. Bienvenue dans Yessima. À peu près à une heure de Rennes. C'est la West Coast. Si, c'est ça. Yessima. On te fait un bisou en tout cas. Et ouais, bonne chance pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Ciao, ciao Yessima. À l'instant. Ciao. Dans le Planète Rap entre 20 et 21. Attends, tout à l'heure on parlait justement de vos différentes rencontres. Ouais. Tu l'as pas appelé pour Karma, dis donc. T'as un mec qui va choper tous les Césars, les Oscars bientôt là. Allez. Et tu l'as pas appelé? Non, si. Là, je lui ai fait signe, mais il a eu des petits soucis de planning. Ah, tu m'as fait signe? Ouais, je te fais signe. Je rappelle que Karma. Je te fais signe et tout. Je rappelle que Karma, c'est un film que t'avais réalisé, que t'avais écrit. Ouais, ouais. Il y avait la bande-son qu'elle avait qui était sortie uniquement en DVD. Hein. Ouais, voilà, ouais. C'était il y a deux ans, sorti en 2013. Et donc, ouais, voilà, il y avait le film et la BO où j'ai invité quelques rappeurs. Et donc, voilà, on essaie de faire un truc. Et Caris au ciné, pour bientôt encore, là. T'as tourné il y a pas longtemps? Ouais, j'ai tourné un truc, ouais. Dans ton quartier, c'est ça? Un truc dans mon quartier, un gros film avec Julien Lecoeur à la réalisation et à la production. Et j'ai un gros rôle dedans, c'est bien. Donc c'est un rôle, ouais, important? important. C'est un bon petit rôle. Il y avait déjà le petit clin d'œil, c'était dans le film de. J'arrive à dire deux, trois mots, c'est bien. Le film d'Angie Jol, il y avait déjà le petit clin d'œil que tu faisais. Ouais, c'était une bonne expérience aussi. Ouais, là, c'est un peu plus. C'est encore. C'est pareil, mais c'est autre chose encore. Et là, le film est fini, le tournage est fini en tout cas pour l'instant. Il est en train de finir. Il est en train de finir. Ouais. Et ce sera donc dans les mois qui viennent un film qui s'appelle Braqueur. Ouais, Braqueur, voilà. Samy Boisgila en acteur principal. Et moi. Avec un gros rôle. Bon, tu prépares le costard pour le César et tout ? Non, il n'y a pas de costard. Si j'y vais en Serge Tacchini, frère. Ah non. Okay. Et ben, on a un peu, j'ai hâte de le voir, là, d'ici un ou deux ans. Tu vas voir comment il va être. Ah ben, j'ai dit. Faire fluo. Ah ouais, t'as ressorti les grandes collections, le quoi. Dernier. Les grandes collections, Serge Tacchini. Bon, avant de faire le live de Bouteille et Glock, on met un morceau, le morceau Scarla ? Ouais, Scarla, ouais. Je l'aime bien, celui-là. C'est extrait de Perestroïka. T'as eu le temps d'écouter un peu, Caris, aussi, le projet Perestroïka ou même pas ? Ouais, j'ai écouté les morceaux qui sont sortis et tout ça. Et franchement, voilà, bien, quoi. Et ben, peut-être pas celui-ci, on le découvre aussi. Il s'appelle Scarla. Thérapie à la prod. Je me rappelle même plus de la dernière fois que j'ai prié. Ni quel était le blaze là, de la dernière tasse que j'ai plié. J'suis pas un pédaveur, pourtant j'ai tendance à oublier. J'suis pas un gangster, mais j'ai fait du sale pour des billets. J'n'étais qu'un dealer à la petite semaine. Plus je vieillis, plus je perds le sommeil. J'ai des problèmes personnels, bref, rien d'exceptionnel. Négro intelligent, même sans être un puits de science. J'traînais dans les caves, mais j'rêvais déjà de grandeur et de puissance. J'pensais qu'on était frères, j'n'ai pas eu beaucoup de flair. J'croyais dur comme fer, que ma réussite allait te plaire. Si t'as autant de couilles que t'as de haine pour Yuri Zer, prends ton keuble, charge-le et laisse ta folie faire. Maman, regarde à quoi j'fus. Réduit. Jette un œil à travers la vie. J'partais livrer mon produit aux quatre coins de la ville. J'bouge pour tous mes Scarla, j'meurs pour tous mes Scarla, j'ris pour tous mes Scarla, j'pleure pour tous mes Scarla. J'suis bien qu'avec mes Scarla, j'représente mes Scarla. J'rappe ma vie de Scarla, Scarla. Igo, j'fais partie du peuple. Qui s'est fait le plus plaisir au monde. Du coup j'ai des envies de meurtre. J'préfère aller me coller un bronze. Igo, je ne sais que foncer, sans vraiment savoir où je vais. Plusieurs fois je suis tombé, personne n'est venu me sauver. J'reviens tout droit du double. Rechargé comme un queuglo. Après m'être recueilli sur la tombe de ma chair, il m'aura fallu le décès de ce que j'ai de plus cher. Pour que ma peur de Jojo foule enfin ma terre. J'espère que le daron est fier quand il me regarde de tout là-haut. Qu'il salue pour moi quelques sonnes pères. Le daron à flot, Cyber ou Martialo. Maman, regarde à quoi je fus réduit. Jette un œil à travers la vie. J'partais livrer mon produit aux quatre coins de la ville. J'bouge pour tous mes Scarla, j'meurs pour tous mes Scarla, j'ris pour tous mes Scarla, j'pleure pour tous mes Scarla. J'suis bien qu'avec mes Scarla, j'représente mes Scarla. J'rappe ma vie de Scarla. Perestroïka dans les bacs, va le chercher où on vient de chercher, frère. Pour tous mes Scarla, j'ris pour tous mes Scarla. Pour tous mes Scarla, Rusty qui vient de sortir du Mita. Si, si, mon gars. J'rappe ma vie de Scarla. Ketchup, Bambou, Maison d'arrêt d'Orléans, centre de détention de Châteaudun, toutes les prisons de France, frère. Je représente mes Scarla, mon pote. Perestroïka dans les bacs. Scarla.

Le Planète Rap avec le live à l'instant. Levez les bouteilles et les glocks. Le morceau qu'on retrouve sur Perestroika avec Dossé, avec Caris à l'instant en live. Oui, oui. Pro live et une tournée aussi pour Caris. Je sais que t'es en tournée en ce moment. Il y a le 2 avril au Trabendo qui arrive. Marseille le 10 avril. Il y aura Lyon le 11 avril. Le 13 avril à Montpellier. Le 14 au Rocher de Palmaire à Senon. Le 15 avril à Ramonville. C'est du côté du 31. Le 21 à Caen. 22 à Rennes. 23 avril à Brest et toutes les autres dates sont sur le Skyrock FM pour retrouver Caris. Exactement. En tournée. Dossé, toi, t'as des dates aussi annoncées? Puis on avait dit qu'on dirait ça cette semaine. Est-ce qu'il y a quelques dates qui arrivent? Ouais. Il y a le 5 à Lille, à l'aéronef. Il y a le 21 à la maroquinerie à Paname. Il y a le 29 à Marseille. 29 avril? Sur le mois d'avril? Non, mai. Ah, mai. C'est mai, d'accord. Ouais, tout ce que je dis, c'est le mois de mai. Donc, c'est au mois de mai. Il me semble, le 29, je crois, à la Franchie à Marseille et le 30 au Transborder à Lyon. Et bah allez cliquer de toute façon. Transborder. Tu vas voir, elle est bien. Ouais, cool. Ouais. Et bah direction Lyon pour retrouver Dossé et Caris aussi en tournée. Avant de se quitter, on finit avec Bendo. Avant de se quitter, ouais, putain. C'est vrai que celle-ci, elle pouvait mal finir. Je reconnais qu'elle était un peu mystique celle-ci et qu'elle pouvait glisser sur un terrain glissant justement. Donc on va s'éloigner de ce terrain et finir avec le morceau Bendo. En même temps, tu cherches aussi avec des titres comme ça. Moi j'aime bien ça. C'est le lapsus. Bendo, c'est extrait de Perestroika. Dossé. Deux en blue, paire de guitares sur le pif. Troisième doigt levé juste pour le kiff. Tous les jours mes frères sont dans le bendo. C'est un pour la monnaie, deux pour le bif. Je crois bien qu'il est temps que je change de ce pub. Mon bigot commence à me faire des faces chelou. Je crois bien qu'il est temps que je change de te puce. Elle m'a pris pour son raclo, ça vient grave relou. On arrache pas de vieille, pas de ça chez nous. Charbonne tout l'hiver pour faire l'été à Cap Salou. Toutes sortes de doco, quid, hache, caillou. Toutes sortes de bolos, bob, tour au noir, rebe, pas de jaloux. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es ma cabré. Et j'ai l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bando. Bénéfice planqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Les incoums, téléphone du carpla. Steven! Déjà 4 piges qui n'étourent. Soir, c'est tous mes youvois sont de sortie. Bouteille à la bleu, taga, même si personne tisse. Grégus, Belvé, Tompé. Insolent et fronté, même ta belle est domptée. On veut pas finir en chien comme tous ces graves en schlagué. Rien que les feux que prennent en photo, ils sont graves aux aguets. Mais nique sa mère, on tape la démarche, on est salement swagué. Plaque et DG, Givenchy's et Balenciaga. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es ma cabré. Kaira, lève ta calme. Air Max, craqué. Sur bête poche, c'est le train toute la night. Et j'ai l'air de la coco. Bon, ok les gangs, t'écoutes ou quoi? C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Argonne. Dans le bendo. Salmon. Faut pas qu'on joue. La saussure. Dans le bendo. Rifle. Et j'traîne toute la night. Saran. Et j'ai l'air de la coco. Bresse-Saint-Jean. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le DAS que de gagner au loto. Orléans. Dans le bendo. Dos c'est la famille. Joue. DJ Core. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Il y en aura pour tout le monde. Perestroika. Extrait de Perestroika à l'instant, Bendo sur Skyrock. C'est bien, on voyage avec toi en plus. Saran, Bray, c'est quoi Bray? Ouais, Bray Saint-Jean. Bray Saint-Jean, d'habitude c'est une dédicace à Sevran, tu vois. Fred, là, ça tu connais, Fred, tu là, connais. On est à Bray Saint-Jean. Tu connais mon secteur, Fred, tu connais mon secteur. Ah, 45. On se sait. Ah là. Ah oui. Pas tout de suite les dossiers, on va attendre vendredi ou dimanche, c'est bien aussi. Dimanche, pas mal pour la sortie des dossiers. Merci pour cette soirée, merci Caris d'être passé. Merci pour tout. Et on t'attend dans une dizaine de jours pour la sortie de l'album. Grosse force à Risca pour le bruit de mon âme. Le bruit de mon âme, c'est le 30 mars dans les bacs. Et la semaine 30 mars aussi dans Planète Rap. Avec Caris, on aura pas mal de choses à raconter. Parle autour de cet album. Très sale, très très lourd. Des gros freestyle. On t'attend avec impatience. On est baisé comme il faut encore. On attend ça avec impatience le 30 mars. Et puis là, il y a Dossé avec nous. Et avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. Paloma de Saint-Brieuc. Allô. Comment ça va, Paloma? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais, ça va. Je te présente Dossé, Caris. Ils sont là avec nous. Salut, Paloma. Ouais, Paloma, bien. Bah bien. Coulard, tu es prête à faire tourner la roulette du côté de Saint-Brieuc, on y va? Ouais, je suis prête, c'est bon. Allez, c'est lancé, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop! La roulette qui va s'arrêter pour toi, Paloma, c'est sur la case. Eh ben c'est fait, c'est Kev Adams, près de chez toi, il y a deux places qui t'attendent, oh, Paloma. Cool, merci. Est-ce que je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Donc je passe une dédicace à ma mère, à mes frères, à ma sœur et à OC qui m'écoutent. Et voilà, merci Skyrock. Bisous Paloma, le 29 mai du côté de Rennes pour la venue de Kev Adams près de chez toi. Je te fais un bisou. Merci. Bonne soirée. Bisous, merci. Merci Dossé, merci Caris d'être passé ce soir. Merci à toi. Demain on revient. Ouais. D'autres surprises, d'autres invités peut-être. Ouais, d'autres invités. Il y aura Joke et Gradure, je l'annonce déjà. Ah, Joke et Gradure demain soir. Voilà. Entre 20 et 21 dans le Planète Rap. Donc soyez au rendez-vous avec Hugo. Dossé à pas louper. Là on va retrouver tout de suite toute l'équipe de D-Fool qui est là, qui doit être en place. Qui ne sont pas en place, qui sont pas là. Ils sont partis où l'équipe de la radio Momo? C'est toi hein, ils sont passés où? Bon bah pour passer à l'antenne, la 01 53 40 30 20. On fait des blagues. Ah, c'était une petite blague, oui, j'étais en train de ramer en fait. Ouais, mais c'est ça, on crissait. Ça nous amusait. Marie voulait absolument démarrer par une blague. Et bah elle est réussie. Ah, t'as vu ça un peu hein. T'es content? Bah ouais, j'ai sorti les rames. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça fait toujours plaisir d'entendre les autres ramer un petit peu. Ouais, ça fait du bien, c'est toujours un bon exercice. Voilà, Marie voulait un petit peu de délire pour démarrer. Elle est très contente maintenant, c'est à nous de s'en occuper. Profiter peut-être de Dossé et Caris ce soir, qui c'est là dans l'émission. Merci Dossé, merci Caris. Et puis Dossé, retour demain soir, 20h-21h, c'est Planète Rap, c'est tous les soirs, c'est à pas louper. Encore plus pendant cette semaine avec toi, Dossé. Ouais. On reste dans le coin. Et nous, on est là jusqu'à minuit, c'est parti pour la radio libre. Comme tu le disais si bien, Fredo. Oui, je disais, je file même le numéro de téléphone. Oui. Tout. 01 53 40 30 20, vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici en direct d'ici minuit. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cours avec nous, on vous attend. Et on va arriver dans un instant avec Chris avec Brown. Et Taïga. Et Taïga, les deux, ouais. Chris Brown, Taïga, qu'on va retrouver avec Ayo ce soir. Clash de la drague, on aura toute l'équipe qui arrive dans un instant. Et surtout, vous tous en direct, préparez-vous. Le Chris Brown qu'on vous a promis, il arrive dans une minute sur Skyrock. C'est pour vous, pour démarrer cette soirée. Ben, c'est parti. Et à demain, Fredo. Ciao. Ciao, à demain. Et là, c'est parti, Radio Libre.